Alors, comment va ton fils ? Plus ou moins bien. Il est en pleine crise d'adolescence. Oh, le mien aussi. C'est assez pénible, je dois dire. Quand ils auront passé cette période, ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère bien. Tu sais ce que Gauthier m'a annoncé hier ? Quand il aura fini sa classe de première, il arrêtera ses études et il partira en Australie. Pour faire quoi ? Excellente question. C'est celle que je lui ai posée. Évidemment, il n'a pas répondu. Tu sais bien, les parents sont trop bêtes pour comprendre. Je te parie que demain, il aura encore changé d'avis. Je souhaite que tu aies raison. À quoi Gauthier arrivera s'il n'a pas au moins le bac ?